LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. La guerre froide, dans nos têtes, une série documentaire d'Anaïs Quien, réalisée par Benjamin Hu. Épisode 5, la femme au foyer, patriote. C'est l'histoire d'une femme qui cherche du travail et qui n'en trouve pas. Elle s'appelle Amanda King, elle vit dans la banlieue de Washington au début des années 80 et elle fait de l'aérobic en passant l'aspirateur. Le temps lui manque, elle s'occupe de ses deux garçons et cherche du travail après un divorce qu'on imagine difficile. Après sa rencontre avec l'agent de la CIA Lee Stetson, elle se met à combattre à sa façon les ennemis intérieurs sur le sol américain. En électrocutant un tueur du KGB à l'aide d'un sèche-cheveux ou en faisant trébucher un mercenaire grâce à son parapluie, en guettant les suspects dans les centres commerciaux ou en débusquant à la sortie des écoles les espions cachés parmi les parents d'élèves. La guerre froide est dans nos têtes parce que même sans combat, les sociétés sont mobilisées. Même sans trancher, il faut convaincre que le bon côté du mur, c'est le sien. Une entreprise de mobilisation des esprits qui dure bien plus longtemps qu'une guerre. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Amanda est un personnage de fiction, directement sorti des studios américains et de la série Les deux font la paire. La guerre froide, c'est la guerre de toutes et de tous. On crée des personnages de fiction pour convaincre, pour dépeindre la citoyenne patriote parfaite, pas très au courant, naïve à souhait, elle entre dans cette guerre par accident. La série est comique et familiale, aucun doute n'est émis sur la pertinence du combat du monde libre contre la dictature communiste, aucun doute non plus sur la victoire des États-Unis. C'est donc une guerre pour rire, dont l'issue ne fait pas mystère. Pourtant, avec ses ennemis tapis dans l'ombre, à chaque coin de rue, elle dit l'angoisse absolue de la guerre froide et la promesse faite aux femmes de part et d'autre du mur de Berlin. La principale promesse que fait la RDA aux femmes, c'est la promesse de l'émancipation. Emmanuel Droit est spécialiste de l'histoire de l'Allemagne de l'Est, la RDA. Alors une émancipation qui se traduit par un appel à l'engagement des femmes dans le champ des responsabilités politiques. Alors c'est un succès tout à fait relatif puisque la plupart des postes de responsabilité sont occupés par des hommes. Mais dans le discours, l'émancipation passe par un engagement politique, on va dire partisan. L'émancipation passe aussi par l'accès à l'éducation et à un très haut niveau d'éducation qui va permettre aux femmes d'accéder, et là ça a été en partie une réalité, à des fonctions de cadre, notamment par des formations d'ingénieurs. Et puis il y a aussi une émancipation financière qui permet aux femmes d'être autonomes sur le plan financier en RDA. L'émancipation, j'allais dire, des tâches quotidiennes. Et donc concrètement, vous avez dans les entreprises d'État des buanderies, des cantines où elles peuvent non seulement se restaurer, mais aussi emporter des plats pour le soir ou pour donner à manger à leurs enfants. Comme ça fonctionne pas trop bien, notamment au niveau du système du lavage et du repassage dans les buanderies, et que ça coûte cher, que c'est compliqué à organiser, on va reprivatiser en fait ces tâches dans le courant des années 50. On va refaire poser sur les épaules des femmes ces activités ménagères. Il y aura très peu d'évolution dans les rapports hommes-femmes dans le champ de la sphère privée. Mais on va essayer d'alléger ça avec la modernisation technologique et donc l'entrée dans les foyers est-allemands de machines à laver, par exemple. Et puis, il y a une dernière forme d'émancipation qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'il y a un lien très fort entre ce qu'on pourrait appeler la gouvernementabilité socialiste et ce qui relève de l'intime, c'est l'émancipation sexuelle. Il y a une forme d'émancipation sexuelle qui fait peur au régime parce que, et qui fait peur aux hommes en général et qui les inquiète beaucoup, mais qui en même temps est une réalité dans la capacité qu'ont ces femmes, notamment, c'est un peu paradoxal, mais par le biais du mariage jeune, d'avoir un enfant jeune et de pouvoir ensuite divorcer et de pouvoir s'émanciper en fait de la tutelle masculine, qu'elle soit éducative ou financière. Maman, papa. Et effectivement, il y a une plus grande liberté sexuelle. Bon, alors, c'est lié à deux choses. Sandrine Cotte est historienne et spécialiste de l'histoire allemande. D'une part, quand même le déclin de la pression religieuse, hein, sont quand même des pays athées. Donc la morale religieuse déclinant, effectivement, bon, les interdits sexuels, eux aussi, déclinent. Et la deuxième chose qui joue un rôle extrêmement important et qui est bien mis en évidence par ces historiennes, souvent des femmes, c'est l'absence de publicité. C'est-à-dire, le corps des femmes n'est pas marchandisé à l'Est. Il n'y a pas de publicité. On ne voit pas des images de corps des femmes qui permettent de vendre des voitures ou des choses comme ça. La femme n'a pas un corps marchand. Donc, la femme n'est pas d'abord une marchandise. Alors qu'à l'Ouest, quand même, le corps de la femme, c'est une marchandise. Il y a le fait aussi que les femmes, elles sont autonomes, donc elles n'ont pas évidemment besoin d'attendre leur mari bien maquillé, etc. Et alors ça se voit très très bien dans les magazines, par exemple ouest-allemand et est-allemand, ou entre les magazines soviétiques et les magazines états-uniens, donc qui sont destinés aux femmes. Alors là, d'un côté, on a la femme toute pimpante avec son aspirateur, mais qui est super maquillée avec ses talons hauts, qui est en train de faire le ménage et qui attend donc rentre son mari et ses enfants. Et puis de l'autre côté, on a la femme ouvrière ou la femme sur son tracteur, etc. Et la femme est représentée de manière totalement différente. Elle n'attend pas son gagneur de pain et elle n'a pas pour fonction de plaire à son gagneur de pain. L'un de ces savants soviétiques est ce soir parmi nous. Lucien Barnier pour 5 colonnes à la une, le 2 octobre 1959. Vous êtes Madame Valeria Troïtskaya. Vous êtes certes une scientifique, mais aussi une épouse, une mère de famille. Eh bien, quelle place attribuez-vous à la science dans votre vie ? Voyez-vous, vous posez une question très difficile à une femme. Vraiment. Parce que naturellement, tous les devoirs restent. Mais tout de même, on n'est pas heureux sans la science. Alors, j'ai fini l'université. Alors, je me mariais. J'ai eu des enfants. La nécessité était de ne pas travailler quelques années. Et j'étais vraiment tout à fait malheureux. Peut-être que c'est une réponse. Le projet d'émancipation du côté soviétique, il est beaucoup plus complet. Sabine Dulin est spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Europe orientale. Il s'agit non seulement de développer le travail des femmes, qui est une réalité. Donc on a des pourcentages de femmes qui travaillent absolument énormes dans les pays de l'Est en comparaison des pays de l'Ouest. C'est en Allemagne de l'Est autour de 90% des femmes qui travaillent. Alors qu'en Allemagne de l'Ouest, ça doit être autour de 55%, 60% maximum dans les années 60. En URSS également, les femmes travaillent à plus de 80%. Alors, la femme travaille. Mais, en revanche, incontestablement, le rôle des femmes dans la vie publique et dans la vie professionnelle, et on a des superbes films qui le montrent, dans les années 70, le cinéma de Riazanov, par exemple, où on voit des personnages de femmes qui dirigent des entreprises, ce qu'on ne voit pas à l'époque en Occident. Mais il se développera du coup dans les pays de l'Est un féminisme dissident qui justement dénonce la fausse émancipation des femmes dans les systèmes socialistes et qui prend contact avec les féministes en Occident. Malgré tout, leur positionnements ne sont pas les mêmes, hein, parce qu'on est justement dans des réalisations et des projets féministes très différents de part et d'autre du rideau de fer. Finalement, l'idée de révolution, c'est quelque chose de très masculin. Et si on va avoir des femmes au pouvoir, il y en aura finalement très très peu. Hein. Andrei Kozovoy est historien et spécialiste de la guerre froide côté soviétique. Pour vous dire qu'à l'époque soviétique, il y a eu une seule femme ministre de la culture, Fourtseva, sous Khrouchtchev, qui était une favorite de Khrouchtchev et qui a tristement fini sous Brejnev, elle s'est suicidée, voilà. Donc, il y a ce que la propagande dit des femmes pour l'Union soviétique, et puis il y a la réalité, évidemment, qui est beaucoup moins présentable et acceptable. Et certainement, il y a des images de ce que fait la femme en Occident et comment elle vit et qui filtre. À l'époque de la guerre froide, notamment pendant les périodes de détente, les femmes soviétiques vont par exemple découvrir le mode de vie des femmes occidentales. Et ça, il y aura beaucoup de femmes qui vont être fascinées par ça. Et ça va aussi contribuer à affaiblir l'impact de la propagande officielle, si vous voulez, des magazines qui circulent, parce qu'il y a un accord qui est signé entre l'URSS et les États-Unis sur un échange de magazines, on va dire, publicitaires. Vous avez Soviet Life aux États-Unis qui présente la vie soviétique sous un jour absolument irréprochable, et puis America, l'équivalent américain qui circule en Union soviétique, où on a effectivement des photos de la vie, y compris des femmes et des actrices cinématographiques. Il y a une fascination effectivement pour ce que c'est que la féminité, ce que c'est que le féminisme aussi, ce que le féminisme a apporté réellement en Occident, qui existe en Union soviétique. Et pour revenir juste à l'image du cinéma, à quelqu'un qui était très populaire en Union soviétique, chez les actrices, mais qui en même temps a été une figure politique importante, c'est Jane Fonda, qui a joué un rôle important aussi dans cette américanophilie qui se diffuse en Union soviétique dans les années 60-70. Alors là, chers petites amies, je suis ici chez moi pour la vaisselle. Si à l'Est, les femmes travaillent, à l'Ouest, dans les années 50 et 60, c'est le père de famille qui assure le revenu et le niveau de vie du foyer. Les femmes y travaillent de moins en moins et leur décor se résume souvent au salon avec son canapé et sa télé. Les aventures d'Amanda naissent souvent dans sa base arrière, sa cuisine équipée. C'est une vitrine de l'American Way of Life, version années 80, juste avant la rupture féministe qui va bientôt tout changer. Mais pour le moment, ce n'est pas tout à fait le cas. On alterne toujours entre la vie de bureau et la vie domestique d'Amanda. Julie Richard travaille sur l'histoire des représentations de la mort dans les séries américaines depuis le début de la guerre froide. Donc il y a ses deux jeunes enfants, donc on voit comment elle s'occupe d'eux. Tu t'es fait belle aujourd'hui. À un moment, elle est soupçonnée d'être une espionne parce qu'elle se rend à l'ambassade de Tchécoslovaquie, mais elle le fait parce que son fils a besoin de faire un exposé sur la Tchécoslovaquie. Elle vient chercher des informations un peu touristiques sur la Tchécoslovaquie. Donc elle les aide dans leur travail scolaire. Voilà, Mrs. King vit cette vie domestique, et c'est d'ailleurs cette vie domestique qui fait qu'elle est aussi une bonne espionne au service des États-Unis, parce que comme elle est dans cette vie domestique, elle connaît la vraie vie. Et aussi, comme elle est dans cette vie domestique, elle a des réactions non professionnelles qui sont forcément surprenantes, inattendues. Et donc, ça aide à faire progresser l'intrigue. Et à de nombreuses reprises, ça sauve même le héros. Donc ici, la vie domestique vient au secours du héros dans sa lutte dans la guerre froide. Vous travaillez à l'extérieur souvent, ou bien c'est surtout les tables d'écoute? Qu'est-ce que vous faites, vous, déjà? Je suis mère de famille et en plus cheptaine de louveteau. Et je cherche un travail. Vous savez, je pense qu'en fait, il n'est jamais trop tard pour qu'une femme fasse ce qu'elle a envie de faire. Alors, comme j'ai un métier qui me plaît maintenant, j'ai décidé de retourner à l'école. Oh, des cours de cuisine. C'est une bonne idée. Mmh. Madame Welch, celle de la télé, c'est avec elle que je prends des cours. Nancy Reagan ne fait pas cuire un œuf sans elle. On est vraiment au cœur de l'idéologie américaine, hein, l'idée que l'abondance va guérir de tentations révolutionnaires, communistes, du partage. Marjolaine Boutet est historienne et spécialiste des séries télévisées. Donc il y a évidemment la publicité, hein, qui est de plus en plus présente sur les télévisions européennes à partir des années 70. Évidemment, elle est toujours présente à la télévision aux États-Unis. Et puis, un portrait, et notamment de l'Amérique, hein, parce que c'est le gros diffuseur de fiction et de séries télévisées, qui donne cette image de cette Amérique de la banlieue, avec des femmes au foyer qui ont tout le confort moderne, l'électroménager, qui sont tirées à quatre épingles, qui sont très heureuses dans leur maison avec leurs deux bambins et la pelouse, et de faire des petits plats au mari qui rentre avec sa voiture du travail dans la grande ville. Enfin voilà, il y a cette image là qui est quand même très présente et qui est là, je pense, pour rassurer, et qui fait partie aussi de cette normalisation très forte de la société, notamment de la société américaine dans les années 50 et 60, mais c'est aussi vrai en Europe, et c'est ce qui va aboutir à l'explosion en mai 68, parce que c'est trop pesant. Si Amanda agit depuis sa base arrière domestique, la guerre froide aussi, en tout cas en partie. En 1959, Richard Nixon, le vice-président des États-Unis, se rend à Moscou pour rencontrer Nikita Khrouchtchev, qui dirige alors l'Union soviétique. Le temps est à la détente, les deux hommes échangent à l'occasion d'un salon des arts ménagers devant les caméras de télévision. C'est le Kitchen Debate, le débat de la cuisine, qui tourne très vite au vinaigre. Nixon présente une cuisine californienne dernier cri et se félicite du talent des États-Unis pour adoucir le quotidien des femmes. Khrouchtchev s'étrangle presque d'indignation et rejette avec virulence cette vision des femmes qui n'a certainement pas cours sous le régime communiste. 59 est un tournant hein, dans cette guerre froide qui jusqu'ici se focalisait sur les armements. Andrei Kozovoy. Et elle va toujours avoir cette dimension de militaire hein, très importante. Mais à partir de 59, la rivalité Est-Ouest va se focaliser sur le confort de vie, les modes de consommation. Et là, évidemment, l'Union soviétique ne sera pas gagnante parce que une bonne part du budget de l'État va être consacrée aux armements. Khrouchtchev aura tenté de limiter le poids du complexe militaro-industriel au profit des biens de consommation par une réforme de l'armée soviétique, par exemple. Il a envoyé une bonne partie des militaires à la retraite, une retraite anticipée, hein, quelque chose qui va lui être reproché hein, en 1964 quand il va être évincé du pouvoir. Le nouveau nerf de la guerre froide, c'est le confort de vie, et les États-Unis avec l'Europe occidentale ont une longueur d'avance avec leur société d'abondance et leurs trente glorieuses. Une promesse de bonheur par la consommation qui préoccupe aussi à l'Est, conscient du danger représenté par ce nouveau front. En Allemagne de l'Est, on dégaine une arme fatale, le poulet rôti. Pourquoi y a-t-il autant de monde ? Il n'y a pas de viande aujourd'hui. Prenez plutôt du poulet rôti. Il y a un mot allemand pour désigner poulet, c'est Hähnchen. Emmanuel Droit. Mais en Allemagne de l'Est, ça aussi c'est la culture de guerre froide qui conduit finalement à inventer de nouveaux noms pour qualifier des produits qui, dans la langue allemande, sont nommés d'une autre manière. Et donc le poulet est-allemand, lui, il s'appelle le broiler. Il est produit de manière évidemment complètement industrialisée et à partir de la fin des années 60, début des années 70, on va promettre aux Allemands de l'Est ben finalement un nouveau chapitre de l'histoire du socialisme, c'est le chapitre de la société de consommation. Parce qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui ont droit au poulet rôti le dimanche. Et donc on voit se multiplier d'abord à Berlin, puis dans la plupart des villes petites ou moyennes de RDA, on voit se multiplier, on dirait en allemand, des Stuben, donc des petits magasins, où on va pouvoir acheter un quart de poulet, un demi-poulet, voire un poulet complet. Et surtout, c'est accompagné de tout un discours médical et sanitaire sur l'équilibre alimentaire et la nécessité aussi de peut-être de réduire la consommation de charcuterie, de viande de porc, et donc de manger davantage de viande blanche, parce que vous savez que l'homme socialiste, ça doit être un homme sain, il doit être en bonne santé, il doit manger de manière équilibrée. Donc c'est une manière aussi pour le régime de montrer que le socialisme est vraiment synonyme de progrès, qu'il est capable de proposer des produits alimentaires de qualité, on va dire, comparable à ce que mangent les Occidentaux. Donc il y a un enjeu autour du poulet en RDA qui a été en effet très fort. Les cuisines équipées et le poulet rôti font leur entrée fracassante dans l'arsenal de guerre comme autant de promesses d'un futur heureux, avec en tête toujours mobiliser sans relâche les populations. Im Namen von 2 Millionen Pionieren grüßen wir alle Frauen unserer Republik. Für Frieden und Sozialismus, seid bereit. La jeunesse, elle va être aussi amenée à se mobiliser dans un esprit de guerre froide, dans un esprit de compétition, à la fois à l'échelle du savoir, avec des ambitions, des exigences dans un certain nombre de disciplines qui vont conduire la RDA à être en avance ou à avoir un niveau éducatif ou scolaire plus important que son homologue ouest-allemand dans certaines disciplines comme les disciplines des sciences dures, à commencer par les mathématiques. Et puis, dans le champ extrascolaire, vous avez des organisations de jeunesse pour les enfants âgés entre 6 et 14 ans et pour les adolescents, les jeunes adultes, qui vont mobiliser la jeunesse de deux manières. Il y a une mobilisation idéologique qui notamment s'incarne dans la mobilisation des jeunes à des grandes manifestations de masse qui sont parfois très ritualisées, comme le 1er mai. Et puis vous avez une mobilisation qui passe aussi par le sport et l'éducation militaire, avec des activités paramilitaires qui se mettent en place dès 1950, dans le contexte de la guerre de Corée, où on va chercher à préparer, par une éducation patriotique, les jeunes Allemands de l'Est à défendre le socialisme, toujours dans un scénario un peu paranoïaque, évidemment, d'une menace qui vient de l'extérieur et qui est portée évidemment par les impérialistes américains et occidentaux au sens large du terme. Jusqu'à la mort de Staline, la Stasi, qui est cette police politique naissante, puisqu'elle a été créée en février 1950, elle est dans une logique de guerre froide sur le plan intérieur, c'est-à-dire qu'elle mène une guerre intérieure contre les ennemis. Et donc, elle va reprendre en fait le discours, les mots utilisés par la police soviétique depuis l'époque stalinienne. Et donc, elle va faire la chasse aux saboteurs, aux bandits, aux traîtres, en éliminant finalement toute forme visible d'opposition et de résistance. Quand on bascule dans une phase qu'on pourrait qualifier de post-totalitaire, la Stasi, dans une logique notamment d'extension des champs de la surveillance et de sa capacité à pénétrer finalement potentiellement, mais de manière très inégale, tous les secteurs de la société, distiller une culture de la méfiance qui produit de l'autocontrôle. Et de cette manière, on va développer des techniques de destruction psychologique, des mesures qui sont travaillées par les agents de la Stasi, puis s'appuyer sur une armée d'informateurs par lesquels on va essayer d'obtenir des informations de qualité pour faire du chantage, exercer des pressions sur un certain nombre d'Allemands de l'Est. Et puis vous avez toujours cette minorité, on dirait en allemand de Rote Socken, c'est-à-dire de chaussettes rouges, de citoyens zélés, qui vraiment dans cette culture de défense du régime, menacés de l'intérieur et menacés de l'extérieur, collaborent et n'ont aucun problème pour collaborer avec la Stasi parce qu'ils ont l'impression d'œuvrer finalement au bien commun. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on a aussi son lot de paranoïa. Traquer les ennemis de l'intérieur devient une obsession et une politique d'État, notamment par l'executive order. Un décret présidentiel de 1947 que l'on doit au président Truman et aux conséquences ravageuses. C'est un document qui met en place un système de contrôle de la loyauté politique des fonctionnaires fédéraux américains. Alexandre Riosbord est historien, spécialiste de l'appareil d'État états-unien. Alors c'est un moment important, y compris dans la mémoire de la guerre froide, parce que c'est le début, en quelque sorte le coup d'envoi un peu bruyant de ce qu'on va appeler les années McCarthy, quoi, donc les années de répression politique intérieure, de chasse aux sorcières, de chasse aux subversifs, et donc de chasse aux communistes cachés aux États-Unis, et plus particulièrement dans ce cas-là, à l'intérieur du gouvernement américain. Donc il modifie cette organisation du recrutement des fonctionnaires en exigeant de ces fonctionnaires le passage d'un test de loyauté politique au gouvernement américain. Les fonctionnaires entrants seront entendus par les représentants de la Civil Service Commission. Et puis une fois leur dossier considéré comme recevable, ils pourront être embauchés s'ils sont considérés comme loyaux. Pour les fonctionnaires déjà employés par l'État fédéral, ils devront passer devant un board à l'intérieur de leur ministère. Alors, il y a plusieurs affaires d'espionnage, notamment des dénonciations par un ancien employé du département d'État qui s'appelle Whitaker Chambers, qui dénonce la présence de sympathisants communistes à l'intérieur du département d'État. Alors il ne donne pas encore de nom, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais Hoover s'en sert pour monter voir Truman et lui dire « voilà, on a des éléments qui nous disent que l'État est effectivement infiltré ». Bref, il y a beaucoup de signes politiques qui, à l'hiver 1946-47, signalent à Truman l'imminence d'une offensive sur ce plan-là. Son objectif n'est pas véritablement, même s'il peut être lui-même inquiet et d'autres autour de lui inquiets, sincèrement inquiets de la possibilité de la pénétration de l'État américain par des agents soviétiques ou des sympathisants communistes. On peut faire une petite parenthèse. On sait aujourd'hui que c'est le cas. Donc tout ça n'est pas complètement faux. La puissance du FBI dans le processus et le flou de la définition des standards d'évaluation de la loyauté des employés publics vont permettre à la machine de s'emballer, en fait. Qu'est-ce que c'est ? Tout simplement un serment de loyauté. Envers CBS ? Et envers l'Amérique. Êtes-vous à l'heure actuelle ou pendant un vous court étiez instant, j'ai cru que c'était une blague, mais c'est pas le cas. Membre d'un groupe que le procureur général qualifierait de subversif. Je sais pas. Si tu refuses de signer, ça nous crée des ennuis. Si je refuse, je serai viré, c'est évident. Parce que la seule marque, ou la principale marque de leur activité, c'est de renvoyer des gens ou de les dénoncer comme subversifs. Elle est redoublée, cette chasse, ne l'oublions pas, par les commissions parlementaires qui, à partir de 48-49, vont repartir à l'assaut. Elle l'avait annoncé en 46, en 47-48-49, elle repasse à l'assaut, puis à partir de 1950, ce sera la commission McCarthy qui se rendra très célèbre. Et puis, dernière chose qui échappe à Truman, c'est qu'il avait comme idée de faire un coup politique en contrôlant le système. Au final, l'effet est contraire. C'est-à-dire que l'effet est un effet de justification et d'institutionnalisation dans les têtes de l'idée que des subversifs sont effectivement à l'œuvre dans le gouvernement. La preuve, le président le prend en charge, crée un programme, institutionnalise la chasse et on trouve des gens. Donc l'effet politique à moyen et long terme est en fait contraire. C'est-à-dire qu'il va nourrir l'idée que le gouvernement américain est effectivement pénétré par des subversifs. C'est-à-dire qu'à long terme, non seulement Truman et le Parti démocrate ne vont pas réussir à éteindre le feu de la contre-subversion, mais ils vont l'alimenter et se retrouver confrontés à la fin des années 40, au début des années 50, au feu du McCarthyisme. C'est-à-dire à l'action, à la dénonciation croissante d'une pénétration de l'État par des éléments subversifs, dénonciation de plus en plus violente, dénonciation de plus en plus anxiogène pour la population américaine, et puis visant de plus en plus grave dans la mesure où on était parti à la fin des années 30 de WPA et des programmes finançant des écrivains et des hommes de théâtre. Sous McCarthy, on attaquera, et c'est ce qui provoquera la chute de McCarthy, on attaquera le département d'État, c'est-à-dire la politique étrangère, puis l'armée. Et c'est en s'attaquant à l'armée que McCarthy finira par tomber. Mais on sera allé jusqu'au cœur de l'appareil de sécurité nationale américain, c'est-à-dire qu'on aura, on aura pu affirmer publiquement, la commission McCarthy, le UAC auront pu affirmer publiquement que le cœur de l'appareil de sécurité nationale américain était pénétré par les communistes. C'est le principal échec politique parmi les conséquences de ce programme de loyauté. Oui, j'écoute. Qui est à l'appareil ? Amanda King. Je vous appelle pour vous dire de me ficher la paix. Madame King, avez-vous remarqué des voitures suspectes garées devant chez vous ? Quoi ? Il est possible que vous soyez surveillée. En réalité, je ne vois pas Mrs. King comme quelqu'un qui va apprendre à être un espion. Julie Richard. Je vois Mrs. King comme quelqu'un qui va apprendre à Lee Stetson à être un homme. Parce que, en fait, ça va être son travail à elle, ça va être de le socialiser en quelque sorte, de lui apprendre la vraie vie. Parce que Lee Stetson, c'est un espion international qui a vécu dans plein de pays, qui a jamais posé ses valises où que ce soit. Et donc, c'est un peu un homme-enfant, il débarque à Washington... Il est très attaché à sa voiture, voilà, c'est son jouet préféré, il passe de conquête en conquête. Et donc, ça va être le travail de Mrs. King de lui apprendre. Il y a plusieurs épisodes où ils doivent jouer un couple marié et où ils doivent prétendre vivre ensemble en banlieue. Et donc, elle doit lui apprendre comment vivre en banlieue, parce qu'en fait, il sait pas comment faire. Il sait pas trouver le robinet pour éteindre l'arrosage automatique. Il sait pas qu'on cache la clé de la maison quelque part autour de la porte au cas où on l'a oublié. Voilà. Toutes ces choses-là, elle va devoir lui apprendre, ça va être son travail. Elle va aussi lui apprendre à exprimer ses sentiments, elle va lui apprendre à construire une vie sentimentale, à s'ouvrir à ses propres émotions. Et à la fin, elle le convainc même d'entrer dans ce mariage, dans cette famille qui est déjà faite. Donc, à mon sens, elle apprend jamais vraiment à être une espionne, puisque c'est une des blagues récurrentes de la série, c'est qu'elle demande toujours à ce qu'elle puisse enfin commencer son programme d'entraînement pour enfin devenir une vraie espionne. Et on lui dit, mais non, c'est pas la peine, vous n'êtes qu'une secrétaire, vous faites des notes de frais, vous embêtez pas avec tout ça, ça sert à rien. Donc en fait, c'est vraiment le travail inverse qui est fait. Et donc, on est bien là dans la sitcom, dans la comédie romantique, où c'est le travail de la femme d'apprendre à l'homme de ne plus être un homme enfant, mais à être un homme, un mari, un père. À la fin, ils se marient tous les deux, donc il finit par embrasser l'American Way of Life entièrement. À être vraiment un vrai patriote, puisqu'il se retrouve avec sa maison de banlieue, ses enfants, une femme, un travail. Enfin, on est vraiment là au cœur du rêve américain qu'enfin il peut réaliser. Est-ce que je serai rémunérée ? Oui, parce que justement, je cherche du travail. Dites au revoir, madame. Au revoir, au revoir. Scarecrow. Je crois qu'on t'a trouvé une partenaire idéale. C'était La guerre froide dans nos têtes, donc, si épisode 5, avec Sandrine Cotte, Emmanuel Droit. Sabine Dulin, Julie Richard, Marjolaine Boutet, Alexandre Rios-Borde et Andrei Kozovoy. En plus, le dentiste de mes fils habite dans la rue d'à côté. Alors, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais les laisser chez le dentiste et puis j'irai au bureau des espions. Et ensuite, je pourrais m'acheter un melon, enfin faire mes courses. Vous avez un bon marchand de légumes. C'est l'histoire de Vlad Dracula, dit Tepes, prince roumain du XVe siècle. Il est le tyran ultime, un barbare dans le siècle de la Renaissance. Dracula veut dire le diable et le dragon à la fois. Vlad l'Empaleur reste une énigme. 400 ans après sa mort, Dracula prend les traits du prince des vampires sous la plume de l'auteur irlandais Bram Stoker. N'ayez pas peur d'écouter. Le prince Dracula, une histoire vraie,